Il n'y a pas de partie la plus difficile dans ce que je fais, et je ne crois pas que les droits de l'homme affectent ma vie personnelle. Comme je le pense et j'en suis persuadé, c'est un engagement d'une vie entière au service des droits humains, des droits de l'homme. Et la partie la plus difficile, c'est la partie la plus diplomatique, c'est-à-dire de rencontrer des États qui sont les principaux acteurs des violations à l'encontre des droits humains, et de garder un ton diplomatique pour montrer que le mandat que j'occupe n'est pas là pour nommer et faire honte aux États, mais plutôt pour leur apporter une aide technique. Et le mandat que j'occupe est extrêmement compliqué parce que beaucoup d'États pensent que le mandat que j'ai est d'abord un mandat de dénonciation. Mais lorsque j'ai la possibilité d'expliquer le mandat, notamment dans les capitales, aux ministres eux-mêmes, parfois ils comprennent la nécessité d'utiliser la partie la plus compliquée du mandat, qui est le conseil technique, hein, les services consultatifs. Hein. Et j'ai pu, dans plusieurs pays très difficiles, être efficace en montrant que le mandat que j'occupe a pu faire expérience de différentes technologies, de différentes méthodes pour être efficace. J'ai par exemple aidé des États à développer des stratégies nationales sur la protection des défenseurs et des États à développer des législations qui protègent les défenseurs, travailler avec ceux qui développent des mécanismes sur la protection des défenseurs. C'est une partie difficile, mais une partie en même temps très passionnante, puisqu'en fait on voit des résultats très très concrets.